J'aurai jamais le respect tous, vu la couleur de ma peau. Plus qu'un a qui se croivent encore, employé de la Gestapo. La première chanson que j'ai écrite de toute ma carrière s'appelle « Tout ce que j'aurais pas ». Elle date de 1999, il y a maintenant 18 ans. Elle est majeure, ça y est. Si vous la trouvez, faites ce que vous voulez avec elle, c'est pas mon problème. Elle est sortie de mon doigt, mais n'est plus sous mon toit. Dans les paroles de cette chanson, on peut déduire comme message le respect obligatoire pour nos parents. Leurs paroles bienveillantes qu'on doit tous adopter et véhiculer au lieu de nous détruire. Le rejet du laisser-aller dans nos quartiers, le deal précoce. Le constat plein de tristesse et de rage, des relations amicales fausses. Le constat plein de dégoût, des relations et positions humaines déplorables sur ma foi ou ma peau. Ajoutez à ça une phrase sur la Gestapo. Au premier morceau, wesh. 18 ans en arrière, avant de dénoncer la phrase de Gims dans son Sapé comme jamais, je cite « On casse ta porte, c'est la Gestapo » et les cascades d'insultes antisémites sur mon Facebook à chaque poste en plus de celles qui attaquent ma peau. 18 ans avant ce fameux poste Facebook sur Adama et Théo, plein de lucidité, de calme. Je suis déjà un mec de quartier qui refuse de se soumettre à la quasi-institutionnelle direction vers l'illégal. 18 ans avant ce poste, je suis déjà un mec de quartier qui déplore le fait qu'on n'applique plus les ordonnances bienveillantes de nos parents, si pauvres, venus de si loin. 18 ans avant ce poste, je suis en colère contre nos propres quartiers et l'humanité dans son écrasante majorité. Et 18 ans avant ce poste, je suis déjà dans la peau d'un jeune noir juif. J'avais 17 ans et ce morceau est la première chanson que j'ai écrite d'un stylo tranchant sorti de son étui. J'étais d'une implacable cohérence avec ce que je suis et pense au moment du poste sur Adama et Théo et avec ce que je suis aujourd'hui. Ni mes positions, ni mon honnêteté intellectuelle, ni ma croyance ou mon appartenance au peuple de Sion anti-Gestapo n'ont changé par rapport à aujourd'hui. Je suis toujours le même. Vous qui aimez comparer les rappeurs, comparez nos thèmes, comparez leur discours au mien de mes 17 ans. Aujourd'hui, j'insiste. Sachez juger et constater lequel est le plus utile, le plus juste. Pour ceux qui ont toujours dit « Despo ne fait pas de rimes », comparez la créativité des avalanches de rimes riches et assonantes inédites en 1999 que j'envoie dans cette chanson, ou leur. Discernez le vrai, l'authenticité, face à la malédiction, face au leur. J'ai dû par challenge, la rime c'est trop facile, après ces deux chansons opter pour plus d'assonance que de rimes. Ça sonne plus neuf, plus original et moins prévisible. Par la suite, comparez les êtres humains. Oui! Pour moi, un artiste ne n'est pas bon si son âme d'humain est une pourriture. Il est inutile. Je ne ferais pas de musique si je n'avais pas un message que je juge nécessaire à transmettre dans cette musique. Je ferais autre chose. Je suis un humain avant d'être un rappeur boss. J'ai donc écrit et j'écris toujours ce que l'humain Pascal que je suis pense. Les côtés argent, recherche de l'unanimité, présence, médiatique, omniprésente, partout, le côté star adulé, etc. ne m'ont jamais animé, ni moi, ni mes prises de position, ni ma musique qui reflète ce que je suis. Ils ne m'ont jamais animé, vous le savez, donc encaisse. J'aurais pas débarqué en 2006 avec la chanson Arrêtée si c'était le cas. Ce morceau est un suicide commercial du haut d'une des tours jumelles new-yorkaises. J'aurais plutôt fait par exemple une chanson avec Kaina Samet, un titre doux qui plaît aux meufs. Ce titre m'aurait permis de passer dans une radio sur laquelle je crachais quelques temps avant sur mes flyers. Et ce titre m'aurait donné la gloire, une foule de groupies, la reconnaissance de tous, l'argent que génèrent les chansons en rotation dans les radios, entre autres. Bref, il m'aurait donné le succès. Dans ce titre imaginaire, pour être bien hypocrite en tant que jeune juif, j'aurais dit « Je suis d'humeur palestinienne » ou « Je suis d'humeur palestinienne » pour plaire à tous les quartiers de France et me mettre les maghrébins et musulmans dans la poche au passage. Non, je ne l'ai pas fait car ce qui m'anime en tant qu'être humain, c'est la vérité, l'honnêteté et le bien qui sont du coup indissociables de ma musique. J'avais 17 ans quand votre fan noir de Hitler préféré, de O, qui fait des hits d'air déférés, genre, et O, en avait 13 sur ses papiers, mais en avait en réalité 23 comme le petit-fils de Ferré, Léo. Oui, j'avais 17 ans quand j'ai fait cette chanson qui est désormais ma préférée, Léo. J'avais 17 ans quand ce jeune nazi noir mort de peur qui va payer sa phrase sur la Gestapo qui ne compte pas pour du beurre avant de finir Uber était à la sortie de ce morceau qui est un don du père à peine pubère. Y'a assez de rimes là, c'est bon? Je passe la douane, je te récupère. Monstrueux! Ce premier morceau de ma carrière, à 18 ans maintenant, il est désormais majeur ou majeur, au choix. Je vous prie, pas de jeu de mots avec choix. Je suis pas un converti. Je suis pas un con averti. Je suis pas en conversion. Je suis pas un con qui se dirige vers Sion. Quelle stupide version. C'est moi le roi des Sions. En temps de guerre, je pense qu'il nous faudrait des Uzi à la ceinture tout de suite. Pas des espèces de spaghettis cuits que vous appelez tit-tit, que j'appelle spaghettis-tit. Je suis la bénédiction en personne. Pour le maudit, je suis une grande gifle. De quelle conversion tu parles? J'ai toujours été juif. En franc-maçonnerie, il existe une technique de démystification des mots occultes qu'ils appellent le rafale et aval. Écoutez bien. Le rafale, comme pour la rafale de balle d'une Kalachnikov par exemple, c'est le fait d'émettre, projeter une multitude de balles à une très très très grande vitesse. Ils appellent ça rafale et aval parce qu'une fois que ce mot occulte est prononcé en rafale, c'est-à-dire très très vite, il revient dans son sens initial occulté. Il est donc ravalé. Vous connaissez tous l'expression « tu vas ravaler tes mots ». Si on ravale ces mots, c'est qu'ils sont dans un premier temps sortis. C'est évident, c'est un fait. Pour poursuivre, je vais vous révéler qui je suis exactement. Et pourquoi aucun rappeur n'ose répondre à mes redoutables, humiliantes, agressives attaques verbales, vidéo, audio ou encore écrites. Ouais, pour parler bien français, écrites. Il est dit que celui qui redonnera son éternité à toute l'humanité juste et éradiquera le mal sera le Machia. Fils du roi David, le dieu de tous les dieux. Celui qui tuera à juste titre l'infâme. La perversité, le mal, la mort, juste en les regardant dans les yeux. Tuer la mort, c'est rendre à l'humain son éternité. Le nombre 10, c'est le nombre qui clôt les unités. Celui qui donne accès aux unions des chiffres vers l'infini. Celui qui tue la limite des nombres faibles, le 10. Comme dans le football satanique, le sport le plus populaire du monde, le nombre 10 est destiné au meilleur joueur de l'équipe, le maître technique sur le terrain, celui qui est supérieur aux autres. Ce chiffre 10 est aussi associé au Machia. Pourquoi? Le Créateur nous a envoyé dans la Torah 613 mitzvot. Le calcul le plus simple en Kabbale, comme en maçonnerie, est celui d'additionner les chiffres visibles d'un nombre. Si on additionne kabbalistiquement ou maçonniquement nos 613 mitzvot, soit 6 plus 1 plus 3, 6 et 1 font 7, le chiffre divin, au-dessus du 6 satanique. Et 7 et 3 font 10, le chiffre du meilleur joueur, le maître absolu de l'équipe, celui qui est au-dessus des dieux, le dieu des dieux, le Machia. 613 mitzvot dévoile donc le 10. Elle dévoile le Machia, fils de David, le maître, l'incarnation de la bénédiction. Et nous sommes en 2017. On va additionner les chiffres de 2017. 2 et 0 font toujours 0. 2 plus le 1 du 17, ça fait 3. Et 3 plus le 7 font 10. Ce même chiffre du Machia. 2017 est l'année pendant laquelle le Machia se dévoilera. Il va se dévoiler. Ça va arriver. Un peu de patience. Le Rav Ron Chaya de Jérusalem, par exemple, nous spécifie que les grands de Torah affirment que le Machia sera confondu avec n'importe qui. Personne ne prêtera attention à lui. Tous les justes croiront que c'est un homme comme les autres. Tous, sauf les ennemis des justes, qui sauront qui il est et feront tout pour le détruire, le décrédibiliser, afin que son message ne soit pas écouté et que sa force soit amoindrie. C'est mal connaître le Machia. La Torah nous enseigne de lire de droite à gauche, pas seulement en hébreu, non, dans toutes les langues en fait. Le mot « jamais » est synonyme de négation, de quelque chose qui n'existe, n'existera pas, quelque chose qui n'aura pas lieu, quelque chose de mort. « Jamais » est donc synonyme de mort. Et si on applique l'ordre de la Torah, c'est-à-dire lire de droite à gauche le mot « jamais », on a d'abord un S, un I, un A, un M, un A et enfin un J. S, I, A, M, A, J nous donne le mot « siamage ». Ouais, « siamage ». S, I, A, M, A, J, « siamage ». Je vais vous rafaler et avaler le mot « siamage », qui est donc l'inverse de jamais, soit l'inverse de la mort, soit l'éternité. On y va ? Siamash, siamash, siamash, siamash, siamash, siamash, siamash, siamash. Qu'est-ce qu'on entend ? Machia ! Allez tout de suite voir votre rabbin et dites-lui sans plus attendre que le Messie est là, d'après cette démystification et ce schéma. Dites-lui que le Machia est sur Terre, dans le 19e, qu'il est black et que le Machia... C'est moi.